peut-on compter l'un sur l'autre au lieu de compter sur les autres? Tout ce qui compte à présent sur leurs doigts, doit-on leur prouver comme tant d'autres que notre amour est bien le nôtre, en se passant comme la bague au doigt? Est-ce que ça en vaut la peine? Ces anneaux sont les bouts d'une chaîne et ces esclaves vont s'entendre les doigts. Est-ce que ce sera mieux demain pour nous qui jouons à quatre mains lorsque nous serons passés à deux doigts? Ne peut-on compter l'un sur l'autre au lieu de compter sur les autres? Tout ce qui compte à présent sur nos doigts, cette communion libre est la nôtre. Pourquoi nous marier comme tant d'autres et finir par se taper sur les doigts? Est-ce que ça en vaut la peine? Ces anneaux sont les bouts d'une chaîne et ces esclaves vont s'en mordre les doigts. Est-ce que ce sera mieux demain sans marcher la main dans la main? Nous ne ferons que passer à deux doigts, à deux doigts, à deux doigts, à deux doigts. Est-ce que ça en vaut la peine? Ceux qui sont les mères ont la haine et finissent toujours par se faire un doigt et par se faire un doigt. Ils finissent toujours par se faire un doigt. Merci beaucoup.